encore immobile. Mais pour bien la begin danser, faudrait ma peau toucher. T'es loin, t'es tellement loin de moi. La begin, je la danse pas. J'ai le cœur grenadier. J'en ai pas.